Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Bon réveil tout le monde, c'est Fun Radio, Mickaël à la radio, comme tous les matins entre 6h et 6h30. Eh ben, c'est le warm-up, hein. Bon lundi également, si vous allez reprendre le travail aujourd'hui, ben, bon courage. On est là jusqu'à 9h30 avec pas mal de choses qui vont se passer ce matin. Évidemment, on paiera vos factures tout à l'heure, ce sera vers 7h05. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire au 6322, débuter le message par facture, vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, et puis ben, nous, on va vous rappeler peut-être en direct d'ici moins d'une heure, donc pour vous filer le montant de la facture. Donc je sais pas encore de combien sera la facture, mais en tout cas on risque de vous les filer. Donc voilà, 6322, débutez le message par facture, c'est 1€ par message envoyé ou reçu, tout simplement. Et puis là, on va se réécouter un moment qui s'est passé vendredi. C'est quand Toff a décidé d'appeler des concessionnaires automobiles d'une certaine classe afin d'avoir une voiture en essai pour impressionner une copine. Et donc forcément, ça a pas toujours bien fonctionné, hein. Mais là cette fois-ci, on va téléphoner maintenant chez Audi. C'est parti, on appelle Audi pour voir si eux sont plus ouverts. Voilà. Bienvenue aux établissements PES à Wandre. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui. Voilà, en fait, je vous appelais parce que j'aurais voulu savoir comment ça se passait pour faire un essai chez vous. Ben, un essai de quoi d'abord, dites-moi? Écoutez, je voudrais un véhicule avec une grande banquette arrière. Une grande banquette arrière? Oui. Pas moi, une A6? Oui, par exemple. Une A8, une A6, je roule avec une. Donc là, ben, on se met d'accord pour faire un essai du véhicule. Ce n'est pas un souci pour moi. Ah bon, ben, très bien. Mais parce que vous m'accompagnez, en fait, pour l'essai? Ben, normalement, on se fait confiance, vous menez votre quantité ainsi de suite et vous avez une heure. Ah oui, très bien. C'est possible d'avoir un tout petit peu plus, parce que je pense qu'en une heure, j'aurais pas tout à fait le temps de finir. Non, c'est le principe. Ce sont des véhicules qui doivent être là régulièrement pour faire. On m'a déjà demandé pour le week-end, la semaine. Ah non. Là, quand je disais un peu plus, c'est une petite demi-heure en plus, hein. C'est juste que, en fait, comme c'est plus pour impressionner une fille que j'ai rencontrée, et donc en fait, j'aimerais. Vous voyez, je vais la chercher, je l'emmène, on fait un tour, puis j'essaye la banquette arrière, et puis je vous la ramène. Bah écoutez, redonnez-moi un petit coup de téléphone demain. Mon nom est Grigo, si vous voulez bien. Je suis avec des clients, là, pour l'instant. D'accord. Et on essaie de s'organiser, ça va? Eh bien, écoutez, c'est très gentil, monsieur, je vous rappelle. De rien, merci. Merci, au revoir. Ouais. Ah bah pas mal, hein. Y a des mecs cool. Enfin, le mec, il est cool. Comme quoi, je suis Audi, ils sont cool, apparemment. Ah bah, en tout cas, lui. Voilà. En tout cas, lui, ouais. C'est pas mal. Julie, je viens de chercher avec mon Audi A6. Ah bah écoute, j'attends de voir si tu la reçois vraiment. Ouais. Eh, prends la 8, hein. La 8, c'est la classe. Hein. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Vamos a la playa. 0473-86-0013. Yo! C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est l'heure donc de la ligne anti-relou maintenant. Et la ligne anti-relou, c'est le 0473-86-0013. Laissez vos messages, non, mais donnez ce numéro à tous les relous qui vous draguent, les filles, même les mecs d'ailleurs. Hein. Vous donnez ce numéro, ils vont croire que c'est le vôtre et du coup, vous appelez chez nous. Et nous, bien évidemment, récupérons les messages et les passons à l'antenne. Écoutez le premier relou de ce matin. Ouais, je viens de me réveiller. Toujours pas de nouvelles. On a passé une belle soirée hier à discuter un petit peu comme ça. J'ai proposé, si tu veux, reste un moi tantôt. On ira se manger une petite frite. Tranquille, tous les deux. Allez, j'attends ton message. Hein. Merci. Oh, mais la petite frite. Non, allez, ben, rappelle-moi tantôt, on ira se manger une petite frite. Non, oubliez la frite, Julie, pour le premier rendez-vous. Oubliez On ira se manger un petit biki. Non, je crois pas. Je pense pas. Non. Un petit fricadelle. Mais c'est pas romantique, nous les filles, on veut du romantisme un petit peu. Oui, ça dépend lesquels. Hein. Bah attends, une frite, franchement, on va aller se manger une frite. Enfin, bon. Non, mais toi, c'est parce que t'es fleur bleue, toi. Mais pas spécialement, c'est juste que pour le premier rendez-vous, après, pas de problème, tu vois. Mais le premier rendez-vous. Ah ouais, donc en fait, il faut tout donner au premier et après. Pas du tout. La première impression est quand même celle qui est la plus importante. Donc premier rendez-vous avec Julie, donc rose, resto, tout le bazar. Et après c'est bière, foot, bière, pote et frites dans le canapé. Il y a un juste milieu parce que trop au premier rendez-vous tue aussi le premier rendez-vous. Hein. C'est vrai. Bon, les deuxièmes messages de la vie anti-relou ce matin. Oui, Mélissa, je suis à l'arrière du bus, du 127 là, et je vois ton numéro noté ici. Moi, je suis d'accord pour le plan cul, enfin, recontacte-moi un bisou. Et oui, là on voit la naïveté des gens, hein, puisque c'était certainement l'auditeur qui s'est dit tiens, on va se marrer un peu, tiens. En fait, il a certainement dû mettre le numéro du de la ligne anti-relou, tu sais, genre gravé sur le bus ou dessiné, enfin tu vois, écrit au stiff. Et donc en disant ouais je suis Mélissa, je crois, a priori, blonde, ouais, grande, 96, 38. Mais comment vous pouvez encore tomber dans le panneau? Ah bah il y en a plein qui tombent dedans. Bah Toff, il tombe dedans direct. Attends, moi il veut un numéro, il appelle. Attends, moi les numéros dans les chiottes et tout, j'appelle à chaque fois. C'est vrai que sur un malentendu, Toff. Mais c'est ça, c'est un risque, tu vois, on sait jamais. Non, allez, troisième et dernier message. En plus, je suis sûr, il y a des mecs qui doivent mettre les numéros de leurs ex. Ah oui, bah c'est vrai. Ouais, peut-être. À mon avis, tu sais de quoi tu parles. Ouais, je crois, ouais. Allez, dernier message de l'année anti-relou ce matin. Oui, Julie, j'ai envie de toi. Je suis en train de faire de masturber. Oh non, mais non. Julie. Ah oui, c'est bon. Ah, mais quelle horreur. Ah oui. Ah, Julie. Julie, bisous. Non, la voix de pervers en chaleur ne fonctionne pas non plus, ce n'est pas voilà. Romantique. 0473 86 0013, le numéro donc de la ligne anti-relou. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio, tous les matins, 6h, 9h30. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ça y est, c'est l'heure de se lever là, hein, pour ceux qui commencent à travailler. Et puis pour les étudiants, bah, c'est l'heure de se lever aussi pour aller étudier pour la seconde cesse. Et puis pour ceux qui ont réussi au mois de juin, bah, c'est l'heure de roupiller. Donc vous avez bien raison de continuer à dormir, éteignez le réveil, là, remettez-le d'ici une petite heure, une heure et demie à peu près. Bon, on va s'écouter maintenant la déclaration express. Vous savez que la déclaration express, c'est tous les matins à 8h20. Si vous voulez faire une petite déclaration express à votre copain, votre copine, ou alors quelqu'un que vous avez dans le collimateur, vous n'osez pas aller forcément lui parler, bah vous voulez qu'on fasse ça à votre place, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et d'ailleurs, on va accueillir maintenant Angélique qui est avec nous pour faire la déclaration express ce matin. Salut Angélique, bonjour, comment ça va? Bonjour Michel, je vais bien et toi? Eh ben ça va bien. Dis-moi, attends, avec cet accent, tu dois nous appeler de... Laisse-moi réfléchir... Tournai, non? Luxembourg. Non. Ah, tiens. Arlon. Non. Ah. Ostende. Non. Oh, mince alors. Je viens de la même région que Log. C'est pas vrai, mais quel... Ah, Charleroi. Non. Ah non, ça c'est dingue, pourtant cet accent, hein, mais... Oh là là, je donne ma langue au chat. De Lièvre. Oh, incroyable. Justement. J'aurais jamais dit, moi. Moi non plus. Plutôt un accent même limite parisien. Marseillais, non? Ouais, peut-être marseillais, ouais. C'est vrai. Bon, espagnol. Enfin bon. Bon, toute bonne vanne à une fin. Alors, ouais. Angélique. Oui, c'est vrai. Angélique, donc tu nous avais appelé pour faire la déclaration express. Eh bien, ça tombe plutôt bien puisque Sébastien Lobella est disponible pour cette déclaration express. Tu veux faire une déclaration express à qui et pourquoi? À mon copain, car j'ai une fameuse nouvelle à lui annoncer. Ah, d'accord, ok. Tu le quittes et ça, c'est beau. Non. Non. Non, bon, bah écoute, tu vas lui annoncer avec la chanson alors. Hein. On va l'appeler maintenant. Il s'appelle comment ton copain? Alfredo. Ah, bah dis donc. Alfredo, bah écoute, dès que tu l'as au téléphone, tu lui dis voilà, machin, j'ai un truc à te dire. Et puis, bah, il va dire c'est quoi. Et tu dis écoute, et nous, on démarre, ok? Ouais, ça va. Allez, c'est parti. Ah, c'est sur Rollup la chanson aujourd'hui. Alors, si c'est le répondeur, on lui laisse le message sur le répondeur, tant pis. Hein. Mais je pense qu'il n'en a rien à branler de ta gueule, Angélique. Oh, toi, quelle violence. Ouais, tu vois? Le 04. Ouais, bon, bah, on va laisser le numéro, comme ça tout le monde pourra laisser un petit message après. Ça sera la ligne anti-relou, nouveau numéro. 2, 5, n'est pas disponible. Voilà, laisse le message sur le répondeur. Hein. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer, raccrochez ou appuyez sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Oui, c'était moi, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ouais mon pote, sans capote, t'es rentré, tu l'as mise en cloque. Manque de peau, mon poteau, tu vas devoir arrêter le bédo et tes études de cuistot pour trouver une merde de boulot. T'es kéblo, Alfredo, à moins que tu te barres à Bamako. Ta meuf elle m'a confié que tu devras assumer, sinon des embrouilles elle t'en fera par milliers. Du fric tu vas cracher, si tu veux la quitter, elle a une tête de mule, si elle voit qu'on l'en... Ouais mon pote, sans capote, t'es rentré, tu l'as mise en cloque. Manque de peau, mon poteau, tu vas devoir arrêter le bédo et tes études de cuistot pour trouver une merde de boulot. T'es Keblo, Alfredo, à moins que tu te barres à Bamako. Eh oui, je savais pas que la nouvelle était si bonne. Mais c'est une très jolie nouvelle qu'elle a oui, annoncée. Oui, mais enfin, vu comment elle est annoncée, je suis pas sûr que lui soit super open. Hein. Non, c'est ça le problème en fait. Bon, pourquoi pas, c'est pas un problème. Bon ben voilà, Alfredo, maintenant t'es comme ça, t'es au courant. Hein. Félicitations Alfredo. Voilà, oui, hein. Bravo. Voilà. Bon ben Angélique. Oui. Tu nous tiendras au courant pour voir comment est-ce qu'il a réagi. Ça va, je vous tiendrai au courant. Bon ben ça fait plaisir alors, ça roule. Bon ben gros bisous, hein. Ouais, bisous. Je t'embrasse, à bientôt, ciao. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est Mickaël à la radio entre 6h et 9h30. Le morning, évidemment, avec tous vos messages qui peuvent arriver aussi au 30-44. C'est le warm-up là jusqu'à 6h30, donc profitez-en. Et nous allons vous faire passer un petit son qui est passé hier, évidemment, un petit son, un petit jeu même. C'est le petit déj express. Et pour jouer au petit déj express aujourd'hui, nous avons qui? Comment tu t'appelles? Cédric. Cédric, sois le bienvenu, Cédric. Salut, Cédric. Alors, Cédric, tu vas jouer donc avec nous au petit déj express. Oui, ça va. Le petit déj express, c'est facile. T'offres un plateau de serveur avec deux tasses, un bol, quatre verres, cinq verres. On t'entend mal, Toff. Cinq verres. Voilà, j'ai très peur pour les verres. Hein. Voilà. Je sens la casse qui vient. Et un petit peu de choc. Faudra peut-être penser à acheter des verres plus solides afin qu'on évite de détruire tous les verres de la radio. Il est déjà en train de manger la marchandise. Voilà. Tu vois avec la radio. Hein. Ah oui. Bon, alors, donc il y a combien de trucs? Donc 5, 6, 7, 8. Bah 8. 8, 8, ouais, il y a 8 objets sur le. J'ai pas compté les grains de Choco Pops. Non, il y a 8 objets sur le plateau. Tov va devoir courir à travers tout le studio, enfin faire un tour du studio complet. Et à ton avis, au retour de la case départ, combien restera-t-il d'objets sur le plateau? À la case départ. Donc il va faire un tour du studio et il va en rester combien sur les 8? 3, je dirais. Tu dirais 3? Ah, moi ouais. Je pense qu'il a, il est. Ouais, il doit être dans le bon là, 3. Ouais. Ok, allez, c'est parti, on y va. Attention, attention, 3, 2, 1, go. Allez hop. Oh là là là là. Allez hop, le premier est tombé, le deuxième, ça tient. Oh non. Tout sur moi, j'ai envie de dire, hein. Tout sur moi. Bon ben reste un verre. Il reste un verre. Attends, il y a de la casse, hein. Il a tout cassé. Ah ouais, tout est pété, hein, mais. Bon ben reste un verre, reste un seul verre, c'est dommage. Il a fait exprès. Non, franchement, à la dernière minute. C'est la faute de Julie. Oh ben bien sûr, je me suis bien tanké. À la dernière minute, en fait, on a vu les verres tous sur le côté. Je me dis, putain, ils tiennent sur le plateau alors qu'ils tombent. Bah non, en fait. Ils me visaient, en fait. Ouais, c'est ça, ils visaient, à mon avis. Ouais, je pense qu'ils voulaient tout péter sur la tête de Julie, je pense. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, malheureusement, c'est un échec, mais on remettra le couvert demain. Bon allez, salut, à bientôt en tout cas, ciao. Salut. Allez, bye bye. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans le morning. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le réveil dring, nettoyage corporel. Je veux devenir le king, que ma voix t'ensorcelle. C'est fini. Montez les décibels, direction le morning, et la journée sera belle. Moi perso, ça ne me dérangerait pas de me lever tôt. Oh, oh, oh. Ça ne me rendrait pas trop mégalo. Oh, oh, oh. Même si tu ne voudras plus écouter d'autres radios. Oh, oh, oh. Avec ma voix dans tes oreilles, ta matinale sera très chaude. Eh hey, oh, on stoppe les conneries là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop.